Aujourd'hui, je vous parle de la sérénité et de la providence. Le Saint-Esprit de Dieu rendra les vérités spirituelles que nous avons apprises plus réelles à nos yeux du cœur que les douleurs extérieures de cette vie, de sorte que proportionnellement à notre foi, nous allons être élevés au-dessus des soucis de la terre qui nous font souffrir. La Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Au XVIIe siècle, Jean-Pierre de Caussade a écrit « Pourquoi nous inquiéter des diverses conditions de notre vie alors qu'une seule suffit, la confiance? » Quand je regarde ma vie passée, ma jeunesse, je vois que je n'ai quasiment jamais réussi à voir ce que je désirais. Et j'ai été malheureux presque tout le temps. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Et si j'avais la possibilité de voyager dans le temps et de changer toutes les choses que je voudrais, je pense honnêtement que je ne changerais rien du tout. Pourquoi? Parce que je réalise aujourd'hui que les choses mêmes qui m'ont rendu malheureux et qui m'ont fait souffrir ont toutes contribué à détacher mon cœur et mes yeux de la terre et m'ont conduite à chercher Dieu et à donner un sens spirituel et réel à ma vie. Aujourd'hui, si je suis un homme heureux, je le dois en grande partie à toutes les choses que je ne voulais pas, mais qui me sont arrivées quand même. De Caussade a encore écrit « La foi nous fait découvrir dans cette confusion qu'est la vie les merveilles de la sagesse d'en haut. La foi donne une face céleste à toute la terre. C'est par elle que le cœur est transporté, ravi, pour converser avec le ciel. C'est la clé des trésors, la clé de la science de Dieu. » Fin de citation. Peu à peu, tout au long de notre cheminement chrétien, nous allons réaliser de plus en plus que les choses qui nous paraissaient les plus répulsives dans la vie sont celles qui sont de nature à nous procurer le plus de sérénité et de paix intérieure lorsqu'elles seront comprises et assimilées par la foi. Vous devez savoir que Dieu a le pouvoir de changer la boue en or et le malheur en bonheur. Un jour doit arriver dans notre vie, aussi précis que le jour de notre naissance, où vous abandonnerez tous les droits que vous pensez avoir sur vous-même et vous soumettre à la souveraineté absolue de Dieu dans votre vie. La vertu de foi changera tout le négatif en positif dans votre vie. Au XVIIe siècle, saint François de Sales a écrit « Ne manquez pas de tourner de temps en temps les yeux vers Dieu, comme ceux qui, étant sur mer, regardent plus le ciel que la mer pour conduire leur vaisseau. Si vous agissez ainsi, Dieu travaillera avec vous, en vous et pour vous, et votre travail sera suivi de 1000 consolations. » Au XIXe siècle, Louis Veuillot a écrit « Ici-bas, tout ne tient qu'à un fil, mais Dieu nous fait voir qu'il veille sur ce fil. » Il nous faut tous en arriver à une vie de foi telle où nous serons poussés à nous abandonner complètement à la divine providence et à la souveraineté de Dieu sur toute chose. Ce qui vous arrivera ne vous troublera plus, que ce soit favorable ou non favorable. L'apôtre Paul a écrit dans son Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, ce qui suit. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors tout ce qui échappe à notre contrôle tient encore solidement entre les mains de Dieu. Aimer Dieu est la seule chose qui soit entre nos mains. Tout le reste est sous son contrôle à lui. La seule vraie catastrophe pour un chrétien est celle de cesser d'aimer Dieu. Si ce message vous a touché, fermez les yeux et priez avec moi. « Mon Dieu, je suis si fatigué de ne rien comprendre à ma vie. J'ai décidé de ne plus vivre dans l'inquiétude, mais dans la sérénité, la paix et l'égalité d'âme, le repos et la tranquillité. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte de me plier à tout son enseignement et de vivre désormais de la foi et de la confiance. Amen. » Je vous invite à visiter mon site cequelabibleenseigne.net et à vous procurer mon livre « Comprendre la souffrance et découvrir le sens de la vie ». Je vous encourage également à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.